Pierre de Ronsard, prince des poètes, par Funk Brentano. Dans la Grèce antique, on comptait qu'autant jadis, cette jeune nymphe, séduisante et gracieuse, fille de l'océan et de Tétis, traquée par le chasseur Orion, furent très opportunément, dans l'imminence du péril, changée par Diane en colombe, puis de colombe en étoile. Les sept étoiles se nommaient Electre, Maïa, Tygène, Alcyone, Sélène, Stérope et Mérope. La constellation de la Pléiade. Dans le brillant mouvement de la Renaissance française, sept poètes, épris de l'Antiquité, imaginèrent de se constituer à leur tour en Pléiade. Voici les noms des étoiles de cette constellation nouvelle, demeurée célèbre dans l'histoire des lettres. Ronsard, Dubelet, Baïf, Belot, Jodel, Dora et Pontus de Tiare. Pléiade terrestre, où nous trouvons tout au moins un poète de grand talent, du talent le plus sympathique, Joachim Dubelet, et un poète de génie, Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard naquit au château de la Poussonnière en Vendômois le 11 septembre 1522. Sa famille tenait dans la société aristocratique le rang le plus distingué. C'est son père, Louis de Ronsard, qui fut choisi par François Ier pour accompagner en Espagne ses deux fils, François, duc de Bretagne, et le futur Henri II, quand ils furent mis comme otages entre les mains de Charles Quint, après que leur père, fait prisonnier à la bataille de Pavie, eut vu s'ouvrir à Madrid les portes de son cachot. Quant à la mère de Ronsard, elle se trouvait parente tout à la fois du bon chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, et de la trop célèbre reine d'Angleterre, Élisabeth. Si nous en croyons Ronsard lui-même, il fut dès son plus jeune âge tourmenté du démon de la poésie. « Je n'avais pas 12 ans qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculées, dans les antres secrets de frayeurs tout couverts, sans avoir soin de rien, je composais des vers. » Après avoir achevé ses études à Paris, et nonobstant les fleurs poétiques écloses dans les antres secrets de frayeurs tout couverts, le jeune Pierre de Ronsard se destinait à la carrière des armes en gentilhomme de bonne roche, d'autant qu'il était grand, fort, beau gars, adroit cavalier, d'une adresse sans seconde à l'escrime, au jeu de pommes, à lancer la barre, d'une souplesse vigoureuse dans les luttes à main plate ou à bras le corps, admiré des femmes pour sa gaillardise, pour la ferme noblesse de son allure et la séduisante beauté de ses traits. Quand, sur ses 18 ans, à sa douloureuse surprise, il fut, ensuite d'une maladie, atteint d'une infirmité qui devait mettre un insurmontable obstacle à ses projets. Il en parlera dans la suite. Une âpre maladie par ne sais quel destin me vint boucher Louis, et, dur, m'accabla d'assommement si lourd qu'encore aujourd'hui j'en reste demi-sourd. Surdité qui explique, pour la plus grande part, la réserve discrète où Ronsard se tiendra constamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas de son intimité et qu'on attribuera souvent à hauteur de caractère. Le jeune homme dut renoncer à la carrière des armes à laquelle son humeur et le style de sa famille le destinaient. Il entra dans les ordres, reçut la tonsure au Mans, dont la Poissonnière était proche, mais sans jamais aller jusqu'à la prêtrise, se contentant de demeurer simple clerc en bonnet rond, ce qui lui permit d'accepter les fonctions d'écuyer à la cour du roi. Le jeune homme remplissait sa charge au château de Blois, quand le 28 avril 1545, au cours d'une fête qui était donnée, il vit pour la première fois la belle Cassandre, fille d'un praticien florentin, Bernard Salviati, et d'une Française, Françoise Doulcet, dame de Port-David. La jeune fille avait 16 ans, de longs cils ombrageaient les yeux noirs, ses longs cheveux avaient les tons sombres des cyprès d'Italie. Entre les lèvres purpurines, les dents menues brillaient comme des perles pures. L'enfant joua du luth et de son chant accompagna une danse bourguignonne. Ronsard rendit les yeux, les oreilles et le cœur tout barbouillés. « Quand je suis tout baissé sur votre belle face, je vois dedans vos yeux je ne sais quoi de blanc, je ne sais quoi de noir, qui m'émeut tout le sang et qui jusqu'au cœur, de veine en veine, passe. » Un détail que M. Roger Sorgue, en son intéressant ouvrage « Cassandre ou le secret de Ronsard », a soin de noter est que cette Cassandre Salviati, qui la première alluma l'amour dans le cœur de Ronsard, est une aïeule d'Alfred de Musset. Mais dès l'année suivante, 1546, notre pauvre poète apprenait que l'objet de sa flamme venait d'épouser un cousin à lui, Jean de Régnier. Son premier mouvement fut tout de dépit qu'il exprime en des vers amers. « Certes, se disait-il pour se consoler, elle-même, mais s'aime encore plus elle-même. Il lui fallait un homme riche, et non le cadet de famille que je suis, dénudé par le droit d'aînesse, pauvre clerc en bonnet rond. Dépit d'amoureux. 8 ans passés, le poète invoquera encore l'apparition enchanteresse. Toute beauté à mes yeux ne sont rien, au prix du sein qui, soupirant, secoue son gorgeron, sous qui doucement joue le branle égal d'un flot cythérien. Ainsi je suis de ces charmes épris, lorsqu'on ses doigts sont luttés en besogne, et qu'elle dit le branle de Bourgogne, qu'elle disait le jour où je fus pris. Monsieur Roger Sorgue va jusqu'à croire que Cassandre resta le seul et constant amour de Ronsard, sa vie entière, et que sous le nom de Genève, d'Hélène et de Marie, c'est toujours la belle italienne aux yeux noirs qui l'a chantée. Il est vrai qu'avec ses amours de poète, où le rêve et l'imagination ont au moins autant de part que la pensée et le cœur, on ne sait jamais ce qu'il en faut prendre et ce qu'il faut en laisser. Est-il bien certain que Béatrice, divinisée par Dante, et Laure, immortalisée par Pétrarque, ait seulement existé? Du moins, pour Cassandre Salviati, sommes-nous certains que Ronsard la vit à Blois, où il l'entendit jouer du luth, et que de son mariage avec Jean de Régnier, il fut fort dépité. En 1554, le poète étant dans sa 33e année, les Jeux Floraux de Toulouse décernèrent à l'auteur de tant de poésies charmantes, par le sentiment et plus remarquable encore par la langue, si savoureuse et drue, leur fameuse églantine. Encore les capitouls, estimant que si grand artiste méritait une distinction exceptionnelle au lieu de l'églantine traditionnelle, lui envoyèrent-ils une statuette de Minerve en argent. En 1559, à l'époque où se concluait le malheureux traité de Cateau-Cambrésis, Ronsard recevait, avec le titre d'aumônier et conseiller du roi, une pension de 1200 livres, qui ferait de nos jours une 40 000 francs, de nos francs papiers, auxquels ne tardèrent pas à venir se joindre les bénéfices ecclésiastiques d'Évaillée et de Croix-en-Val, en Vendômois, de Saint-Côme, en Touraine, dont les revenus le mettaient dans une large aisance. En 1565, il échangera son prieuré d'Évaillée contre une prébende de chanoines en la cathédrale de Tours. Mais le mal dont Ronsard avait été atteint en sa jeunesse avait laissé des traces. En dépit de sa force apparente et de sa prestance, il se sentait sourdement miné. Ses beaux cheveux châtains blanchirent de bonne heure. Encore n'ai-je atteint 37 ans passés. Ses ennemis en faisaient état pour railler le barbon qui continuait de rimer des vers d'amour. À la cour de France, la jeune et gracieuse Marie Stuart professait pour le poète vendômois une vive admiration. Elle était montée sur le trône le 10 juillet 1559, son jeune mari, François II, succédant à son père Henri II. Mais le nouveau roi mourait le 5 décembre de l'année suivante. Marie quittait la douce France, qu'elle devait en regretter, pour entrer en Écosse. Ronsard lui conserva une profonde gratitude. On sait la destinée tragique de la gracieuse petite reine, qu'Élisabeth d'Angleterre poursuivait d'une haine de vieille fille au cœur dur. Les vers que Ronsard ne cessa d'écrire en appel émouvant, demandant à Roland, à Renaud, qui délivrerait la jeune femme de ses chaînes, adoucirent à la prisonnière la tristesse des cachots. Elle fit parvenir au poète, en marque de gratitude, une belle vaisselle d'argent et un vase où l'artiste avait ciselé la source d'Hippocrène, jaillissant sous le sabot de Pégase, le cheval ailé d'Apollon. Ronsard se trouvait en 1562 en son prieuré d'Évaillé, dans la Sarthe, quand il fut attaqué par un parti de huguenots et n'échappa que par rare bonne fortune à l'arquebusade dirigée contre lui. Les assaillants lacérèrent en outre des tableaux et brisèrent des statues dans les églises de la région. L'âme guerrière qui sommeillait dans le sein du poète se réveilla. Il réunit, équipa, entraîna une troupe de partisans catholiques qui se mirent à massacrer activement les protestants du pays. Ainsi s'explique la lutte violente que les pasteurs calvinistes entamèrent contre le chantre de Cassandre, d'Hélène et de Marie, et qui se traduisit en pamphlets virulents, la métamorphose de Ronsard en prêtre, le temple de Ronsard, quelques autres, où l'on se gossait de ce que l'auteur de tant d'odes, églogues, élégies et ballades amoureuses fut le titulaire de bénéfices religieux. Ces bénéfices, Ronsard les devait à Charles IX, très épris de poésie, poète lui-même, du moins faisant des vers, et par là, grand admirateur du prince de la Pléiade. Cependant, dans sa générosité pour lui, le jeune roi était parfois pris de scrupules. « J'ai bien peur de perdre mon Ronsard, » disait-il parfois, « et que le trône de bien de le rendre paresseux au métier des muses. Un bon poète ne se doit non plus engraisser qu'un bon cheval. Il ne faut que les entretenir. » Ronsard n'a pas encore atteint la cinquantaine, mais des accès de fièvre violente le mettent incessamment dans un état précaire. Il ne veut plus venir à la cour, malgré les appels incessants et quelques envers du roi Charles IX. On en a conservé. Je ne sache pas que dans notre roi de France on possède des poésies du moins de quelque étendue. Ronsard se confine dans ses abbayes, plus particulièrement dans celle de Saint-Côme, en une île de la Loire-les-Tours. Le paysage environnant est délicieux. Cassandre était devenue veuve. Le poète vieilli essaya de se rapprocher d'elle, vainement. Les dernières années de notre gentilhomme vendômois, comme il aimait à se qualifier, se passèrent dans une mélancolique solitude. Je n'ai plus que mes os. Un squelette me semble, décharné, dénervé, démusclé, dépeuplé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble. Pierre de Ronsard mourut en son prieuré de Saint-Côme le 27 décembre 1585, âgé de 63 ans. Il avait connu de son vivant une gloire que seule en ce temps celle d'Erasme put égaler. De son vivant même, l'Europe lettrée le rangea au nombre des grands classiques. Son œuvre était étudiée, commentée dans les universités, non seulement en France, mais à l'étranger, jusqu'en Pologne et en Angleterre. Dans la tristesse de sa prison, Marie Stuart faisait du recueil des œuvres de Ronsard son livre de chevet. Des condamnés récitaient ses vers, en manière de viatique, sur le chemin de l'échafaud. En leur enthousiasme, les Italiens plaçaient Ronsard au-dessus non seulement de l'Arioste, mais de leur divin Pétrarque. À Paris, les étudiants se bousculaient sur son passage, avides de toucher à sa robe, comme à celle du roi lui-même ou d'un saint vénéré. En sa réussite, le poète voyait se combler les rêves les plus ambitieux qu'il avait pu former à l'aurore de sa carrière. Et cependant, il disait, en pleine Académie du Louvre, « Je confesse avoir été plus ému et tourmenté par la tristesse que par la joie. » Le poète était sincère. La sagesse populaire ne dit-elle pas « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Et voilà qui est vrai, sans aucun doute. Mais quel est l'homme qui voudrait acheter le bonheur en le payant de sa gloire ? C'était Pierre de Ronsard, prince des poètes, par Funk Brentano.